couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2, sur Fadjet.net et en DAB+ depuis 2023, année révolue puisque nous sommes maintenant en 2024. Joyeuse année, belle année à tous. Chers auditeurs, j'espère que les résolutions que vous allez prendre cette année seront tenues en fin d'année, comme celle de 2023 a été tenue, je le sais, hein, bande de petits coquinous. Non, je pense que personne ne tient ses résolutions. Et je pense que la meilleure résolution à tenir, c'est celle de continuer à écouter Couleur Locale, votre vitrine des artistes de la région, avec Pierre toujours, moi je suis toujours là, le jour où je ne serai plus là, c'est que l'apocalypse nucléaire sera avec nous. Cet apocalypse-là nous plongera dans un air de ténèbres où il faudra balayer les nuages pour pouvoir voir le soleil, et c'est rigolo, c'est marrant que j'utilise ce terme-là, puisque nous sommes en présence de quelqu'un. Oui. Qui va nous parler, entre autres, de son album « Balaye les nuages ». Comment vas-tu ? Ça va, Pierre, merci de m'accueillir. Eh bien, de rien, tu es la première invitée de la saison. Waouh. De 2024. C'est pour bien démarrer l'année, je sens que ça va être une belle année. Ça va être une belle année. Alors, tu as remarqué, moi, je suis quelqu'un d'assez théâtralisant. Oui. Et je crois que tu n'es pas étrangère, toi non plus, à ce côté théâtral que l'on retrouve dans tes textes, notamment dans les clips et tout, toutes ces histoires. Chanson théâtrale, c'est toi. C'est moi, chanson théâtrale. Ouais, c'est chanson ça, parce théâtrale. Que ces chansons, c'est comme des petites pièces de théâtre où on fait connaissance avec un personnage dans ses tribulations du quotidien, dans ses questionnements existentiels. Et j'ai fait pas mal de théâtre, de chant. Ça se voit. Voilà. Bah, le théâtre, ça se voit, mais le chant... Ouais, c'est ça, la voix, c'est pas plaisante, au coup. Je plaisante, et... évidemment. Des personnages, alors il y a cette... Dans le divan vert, il y a cette femme célibataire qui en a un peu... Qui en a un peu marre, ouais. Qui est en manque, Et on a d'autres personnages aussi. Une Joconde qui veut retourner en Italie, c'est ça, c'est également. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, tout ça, c'est un peu des extensions de toi ou pas du tout? Ça peut être aussi des choses que des personnes autour de moi peuvent vivre ou bien des choses que j'entends qui se passent autour de moi dans la société. Ouais. Par exemple, il y a une chanson sur le harcèlement de rue qui s'appelle « J'aime la chanson de ma ville ». Il y a une chanson d'une mère célibataire, alors tu vois, c'est pas moi, mais qui n'en peut plus d'être une Wonder Woman qui doit briller sur tous les fronts et qui un jour est en burn-out, elle en peut plus, elle aussi, elle se vautre sur son canapé. Donc en fait, l'inspiration, elle peut venir de partout, de ce que je peux vivre, de ce que les autres autour de moi peuvent vivre, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je sens. Alors ces histoires, c'est autant de tableaux finalement, comme une espèce de pièce de théâtre avec plein de... petites interventions, plein de petites scènes, et tu as voulu balayer tous ces nuages-là. Voilà, parce qu'en fait, finalement, dans les textes, il y a souvent des choses pas forcément drôles, mais que j'essaye d'aborder avec un certain décalage et avec une touche d'humour. Parfois, certaines chansons sont un peu plus mélancoliques, mais globalement, il y a assez souvent une touche de décalage. Et c'est la façon que j'ai, ouais, de balayer les nuages pour retrouver un peu la lumière. Magnifique. Magnifique. La lumière, elle sera, mes chers auditeurs, de mon cœur, dans vos cœurs et dans vos oreilles. Pendant une demi-heure d'émission, on écoutera trois titres qui sont issus de cet album. On écoutera en premier lieu « Je médite », on écoutera ensuite « Le divan vert » qui est clippé. Je médite qui est clippé, voilà. Le travail de journalisme se perd même en 2024. Et puis on terminera par « J'aime la chanson de ma ville » qui parle de harcèlement de rue. S'il vous plaît, ne harcelez pas les gens dans la rue. C'est le message de prévention, tu ouais. vois. C'est le mec qui n'a pas vraiment envie de se fouler sur son message. Non, mais c'est vrai, il faut en parler. Tu es sur Facebook, forcément. Instagram, à en juger par le nombre de photos que tu as déjà prises depuis que tu es arrivée dans les studios. Mais voilà, moi, je ne maîtrise pas du tout cet outil, donc je n'ai rien à dire. Voilà, j'ai plein de photos de Fadjet pour mes dossiers. Énorme. Facebook, Instagram, le site quelqu'un.fr. Tout à fait. Et franchement, tu as de la chance d'avoir un blaze qui soit pas commun, parce que au moins tu as eu ton nom de domaine.fr, tu vois, sans chichi. Parce que des fois tu es obligé de rajouter des chiffres. Ça s'est bien passé. Ouais, c'est dur. Bon, écoute, là j'ai eu un coup de chance. Tu as eu un coup de chance, mais aussi beaucoup de travail, puisque tu n'en es pas à ton premier rodéo. En tout cas, tu as fait déjà pas mal de scènes vraiment intéressantes avant de te lancer et de maturer ce projet et cet album qui est sorti en 2023. Mais avant, c'était que de la scène, si j'ai bien compris. Oui, en fait, moi j'ai fait beaucoup de scènes. J'ai eu une vie avant de faire de la scène. parce que j'ai travaillé dans une agence de communication. En fait, moi, je connais bien Nancy parce que j'ai fait mes études à Nancy, à l'Institut commercial de Nancy. Donc, je me suis lancée dans une carrière dans une agence de communication. Mais quand j'étais ado, je voulais être chanteuse. Mais dans ma famille, non, il fallait avoir un vrai métier, penser à sa carrière, penser à sa retraite. Et pourtant, je faisais beaucoup de piano, beaucoup de danse, je chantais dans ma chambre, j'imitais toutes les chorégraphies de Madonna, enfin bon, bref. Et puis un jour, ce rêve d'adolescente m'a rattrapée et m'a dit, bah tiens, est-ce que c'est vraiment sur cette voie que tu voulais aller ? Et voilà, je me suis lancée dans une deuxième vie professionnelle et j'ai commencé à écrire des chansons. Je suis allée sur scène et la scène, j'adorais ça. Et j'enregistrais des maquettes pour faire connaître mon travail auprès de programmateurs de spectacles. Mais enregistrer un album officiel, ça me paraissait une montagne. J'y arrivais pas. Donc j'ai fait de la scène, on a fait plein de jolies scènes. On est venu jouer à Nancy, à la MJC Pichon, il y a quelques années. On est venu jouer à Épinal aussi, au Lavoir Théâtre Georges Brassens. Et puis un jour, en 2021, enfin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'album ? Donc l'idée a germé en 2021, on a enregistré en 2022 et il est sorti en 2023, cet album Balaye les nuages. Magnifique. Quel parcours. C'est un beau parcours et c'est un parcours que j'entends très régulièrement. J'allais dire grosse pensée pour, comme s'il était malade ou mourant, mais il n'est pas. Marwan, que j'ai reçu l'an dernier, en fin d'année, en décembre, avait un peu le même parcours. C'est-à-dire, voilà, issu d'une famille où il faut travailler, voilà, un contexte culturel. Et puis non, moi, j'ai envie de faire de la zik. Donc, on y va. Et moi, je vous invite quand même, chers auditeurs, et surtout ceux qui ont l'impression d'être un peu, tu vois, dans un étau, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui n'osent pas sortir du cadre culturel, familial, eh bien, je vous invite, chers auditeurs, à méditer sur ce que vous voulez vraiment. Je médite, c'est ça qu'on va écouter, donc issu de ton album Balaye les nuages. Alors, je vais te poser une question, et à cette question, il y a souvent deux écoles. La question, c'est « De quoi parle le morceau ?» Alors, soit on me répond « Ben, les auditeurs, ils ont qu'à écouter, est-ce qu'il y a une morceau, tu vas l'envoyer ?» Dans ce cas-là, je rentre chez moi, je me mets en PLS sous mon lit, tu vois, je suis vraiment pas bien, pendant 3 jours, je ne sors pas, le chat n'a plus à manger, car je n'ai même pas la force de me lever pour donner, tu vois, ouais. Voilà. Et ou alors, eh bien, tu es une gentille invitée sur Fadjet dans Couleur Locale à Nancy, et tu me dis, bon, bah, on va teaser un peu, on va dire de quoi ça parle. Oh, bah, ça parle de l'importance de la méditation pour sauver le monde, mais avec une petite touche de décalage. Eh bien, on y va. Je médite de quelqu'un issu de l'album Balaye les nuages. Je médite dans ma salle de bain, sous la douche, je nettoie les eaux troubles de mon âme. Je médite dans les transports en commun. J'accorde mes chakras à la sonnerie du tram. Am, am, am. Je médite, assise debout couchée, de Saint-Nazaire à Auckland, de Thionville à Disneyland. Je médite, en survêtement, en tailleur, en guêtre ou en escarpin, ça régule mes humeurs. Voulez-vous tenter avec moi une méditation collective ? Vous allez voir, cela fait un bien phénoménal. Cela permet le rétablissement de l'écosystème intérieur, mais aussi de l'écosystème extérieur. Oui, avec la méditation, nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes et à moins souffrir des agressions du monde qui nous entoure. Tenez-vous prêts, nous allons ouvrir nos chakras. Om. Alors, heureux et heureuse, ça fait du bien, hein? Moi, si je m'arrête de méditer, je cogite, ça tourne et ça m'effrite. Alors je plie sous le poids des labos pharmaceutiques. Je m'endette pour calmer toutes mes peurs. Je suis surconsommatrice, ça marche mieux que le cannabis. Im, im, im, im. Méditons tous ensemble, nous effacerons le trou de la sécurité sociale. Je médite, tu médites, nous cesserons d'acheter tous les produits entachés des multinationales. Elle médite, il médite, nous couvrirons la terre de jasmin et de baisers pour enterrer les guerres. M, M, M, M. Je médite de Kelka sur Fadjet dans Couleur Locale à Nancy 94.2. Fadjet.net et en DAB+, issu de l'album Balaye les nuages. Alors on est parti en Égypte, quoi. Oui, oui. Avec une touche quand même vers l'Inde, je dirais. Avec une touche vers l'Inde. Oui, oui, voilà. Ce... Avec un beau violon. Oui, un magnifique violon. Alors, tu es accompagné, déjà sur scène, mais aussi sur cet album, par des musiciens. On va tous les... On va tous les nommer. On va tous les nommer, parce qu'on est sympa. Parce qu'on est sympa. Alors, on commence par le violon. C'est Noémie Le Borgne, qui malheureusement n'est pas sur scène, mais sur l'album... Ça pourrait être sympa. Un très beau son de violon, oui. Alors, j'ai deux acolytes sur scène qui me suivent assez régulièrement, qui sont François Colombon à la batterie et aux percussions, et Paul-Henri Butin à la guitare. Nous a rejoint un super bassiste qui s'appelle Thierry Fanfan, qui joue avec des artistes comme Ibrahim Malouf, Bernard Lavillier, enfin voilà. Ah oui. C'est une grosse pointure, qui vient d'une famille de musiciens. On a, alors pour la guitare, il y a aussi il y a deux autres guitaristes. Sur une chanson qui s'appelle Le Dernier Jour, il y a Hervé Morisot qui a d'ailleurs composé aussi cette chanson. Il y a Lucien Zérad sur une chanson qui s'appelle Stressé et qui est par ailleurs le réalisateur de l'album. Alors, au trombone, Thomas Henning, qui est venu sur trois chansons. Au violoncelle, Johan Matali, qui est venu sur deux chansons. Au piano, Alice Béag, qui est venu sur une chanson. Et est-ce que j'ai fait le tour ? Et même s'il manque des gens, on sait qu'ils sont dans ton cœur. Oui, en fait, ils sont dans mon cœur. On était 10 musiciens, musiciennes à travailler sur ce projet d'enregistrement. Et puis, autour de la réalisation d'un album, il y a aussi toutes les autres fonctions. Bien sûr. La graphiste, la photographe. Il y a du monde, quoi. Il y a du monde. On est 18 personnes en tout sur le projet. C'est une petite entreprise, en fait. C'est une petite entreprise. Je médite, qui est également clippée sur YouTube. Oui, voilà, deux super réalisatrices du clip. Parce que c'est un clip qui mélange les images filmées et le dessin. Très beau donc clip, effectivement. Ouais, il est chouette, il est coloré. Bon, il me plaît. Donc, il y a Ira Wiesenberg à la réalisation filmée et au montage, et Nathalie Chorion pour tout ce qui est des dessins qui sont super jolis. Une équipe à ton service, et j'ai même envie de dire, pas forcément à ton service, mais en parfaite symbiose pour ce projet qui est le tien, Kelka. Et d'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé... Est-ce que ça voulait dire quelqu'un ? Alors en fait, ouais, parce que moi, entre mon prénom et mon nom, j'ai 4 K. 3 K, pardon. Oh là, je ne sais plus compter. Karine Kurek, K-U-R-E-K. Mais je voulais pas. Ça fait beaucoup de K et je ne savais pas quel K choisir, donc c'est devenu Kelka. Et du coup, c'est devenu Kelka. J'adore ce genre de. C'est tellement absurde qu'il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Bon, alors, tais-toi, s'il n'y a rien à dire. Oh, ok, d'accord. Kelka.fr, le site internet, Facebook, Instagram, il y a quoi d'autre comme réseau ? Pas TikTok, non ? Alors, j'ai ouvert un TikTok, mais j'avoue que je ne l'alimente pas trop. Ouais, en fait. Tu sais pas trop comment être dedans, ouais, quoi. Ouais, puis je me sens un peu, peut-être, pas trop en phase avec TikTok. Excellent, ouais, non. Pour l'instant, non. Je suis pas très motivée. Nous, dans Couleur Locale, on n'est pas sur TikTok, mes chers auditeurs, si vous avez raté l'émission, car nous sommes déjà à 15 minutes de cette belle rencontre, si vous avez raté l'émission, pas de panique, elle sera disponible sur Spotify for Podcasters, Pierre Mercier Fadjet, ou sur Fadjet.net pendant une semaine. Donc toi, tu avais une vie avant la musique, mais tu faisais déjà du chant, du piano, tu as fait du théâtre. Oui. Et tout ça au service de quelqu'un, de ton projet, avec Balay les nuages, l'album qui est, je crois, sur toutes les plateformes. Oui. Légal, hein, évidemment, Spotify, Deezer, tout ça, mais qu'on peut aussi acheter en CD et en vinyle, il me semble. Ah non, pas de vinyle. Pas de vinyle. Non, j'ai cru le lire, je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'est pas grave, je me suis posé la question, mais finalement non. Au moins, on sait où t'écouter à l'issue de l'émission si on a envie d'être écouté. Moi, je te proposerai un petit jeu. Oui. Ce sera après la prochaine pause musicale qu'on va faire. On y parlera écriture. D'accord. Parce que tu écris et ça m'intéresse d'en parler. Et pour ce petit jeu-là, je ne dirais pas que je... Alors, je vais pas jouer au psy, tu vois. Je vais pas te demander de t'allonger sur un divan pendant que je te pose des questions. Tu pourras rester assise derrière le micro. Mais justement, on va écouter le titre « Le divan vert », tu vois, parce que... je suis le roi des transitions. C'est parfait, je suis épatée. Le divan vert, alors même question que pour Je médite, de quoi ça parle? On en a un peu parlé en début d'émission. Oui, bah, c'est l'histoire d'une femme célibataire qui n'en peut plus d'être célibataire et qui est chez son psy, qui lui raconte ses rêves et chaque rêve évoque un désir sexuel. Et en fait, l'idée derrière, c'est que chaque rêve évoque en fait une publicité un peu célèbre. Et donc, il y a une espèce de parallèle entre la publicité et le désir. C'est la façon dont j'ai construit la chanson. Eh bien, de toute façon... très clair. Ouais, non, mais c'est clair. Et le parallèle entre la publicité et le désir est très pertinent, de mon point de vue. Mes chers auditeurs, on va vous laisser en juger, mais gentiment, quand même. Oui. Et puis, en écoutant le divan vert de quelqu'un sur Radio Fadjet dans Couleur Locale. Aujourd'hui, docteur, j'ai envie de vous parler de mes rêves. Je crois que mon célibat me pèse. Vous avez le doigté dans ce domaine, c'est vous l'expert. Alors je vous épargne les préliminaires. Lundi soir, j'étais dans la position d'une poire dénudée à la peau satinée. Un chaud chocolat noir glissait lentement sur mon corps. Regardez, j'en frissonne encore. Docteur, entre nous, vous ne pensez pas que je suis en manque, je suis en manque. Ça vous comme dans la souffrière. Je suis en manque, je suis en manque. Ça me chatouille la jardinière. Je suis en manque, je suis en manque. Dans la souffrière, je suis en manque, je suis en manque. Je voudrais passer au dessert. La nuit de mardi, je voyais de loin des petits lapins roses avancer, le sourire aux lèvres. Au pas cadencé, ils agitaient leur instrument, se vantant qu'avec eux ça durait plus longtemps. Moi, on les m'attendait. Comment vous dire ça? J'étais en maillot de bain, mais je n'avais plus le bas. Et je me suis aperçue que j'avais ôté le haut, sans complexe, une semaine plus tôt. Mais alors, vous étiez nue? Eh bien oui, c'est ça, docteur, j'étais complètement nue. Docteur, entre nous, vous ne pensez pas que je suis en manque. Je suis en manque, ça chauffe comme sur la canne bière. Je suis en manque, je suis en manque, ça me fait grincer la porte cochère. Je suis en manque, je suis en manque, ça chauffe comme sur la canne bière. Je suis en manque, je suis en manque, mon fantasme le fer dans la mer. Et la nuit d'après, là, c'était le clou. En dalle de PVC, j'agrippais les parties intimes d'un mâle maigrichon qui me faisait pas du tout envie. Et hop, pourtant, il a eu sa gâterie. De fil en aiguille, je suis allée au bout. Je me suis transformée en pulpeuse bouteille de soft drink. Secouez-moi, je n'avais que ces mots à la bouche. On m'a décapsulée et là j'ai pris mon pied. Ah, docteur. Oui. Entre nous, vous ne pensez pas que je suis. Je suis en manque. Ça brûle comme sur la gazinière. Je suis en manque. C'est explosif comme un geyser. Je suis en manque. Allez, montrez-moi votre clister. Je suis en manque. Prenez-moi sur ce divan beurre. Le divan vert de Kelka, issu de l'album Balaye les nuages sur Fadjet dans Couleur Locale. Aucun praticien, thérapeute, psychologue n'a été blessé durant le tournage de ce morceau. Aucun. Alors un morceau qui est en featuring avec un monsieur qui est, c'est celui qui a réalisé. Qui a réalisé l'album. Lucien Zérad. On s'est super bien entendu. C'est un musicien. Qui a travaillé avec des artistes comme Enzo en chanson française, avec Angélique Kidjo aussi, Zaz, et puis il a même travaillé avec Charles Aznavour et Henri Salvador, du beau monde encore. L'album Balaye les nuages, on le rappelle, sur toutes les bonnes plateformes, légales évidemment, et puis en commande aussi sur des sites... On peut acheter des CD, on ne citera internet, aucune marque, évidemment, chers auditeurs, mais vous pouvez... Allez sur quelka.fr, il y a une rubrique boutique, j'imagine. Oui, on peut cliquer sur commander le CD. Commander le CD. Sur Facebook aussi, il y a les petits liens, les agrégateurs où on a un petit peu tout qui se met. Dans la bio Instagram aussi. Évidemment, parce qu'Instagram. Quelle est la suite pour toi ? Alors là, comme j'ai fait beaucoup de scènes avant, que je sors l'album là en 2023, on est en train de répéter pour faire la jonction entre l'ancienne version du spectacle et ce qu'on a fait sur l'album. Donc on est en pleine répétition et réflexion sur la suite. Et puis je continue la promo. Parce que j'aime... Ça prend du temps. Ça prend du temps et je trouve ça génial, en fait, déjà de faire des rencontres dans des radios locales, associatives comme la vôtre. Mmh. Parce que je trouve ça génial d'avoir cette fenêtre, cette curiosité, cette ouverture à des artistes qui ne sont pas connus. Mmh. Et moi, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, je trouve ça super aussi de savoir que ces chansons, elles voyagent... Finalement, plus loin que quand on fait des concerts, parce que quand on fait des concerts, on est vraiment concentré sur le lieu où on joue. Mais là, tes chansons, elles vont être écoutées partout en France et même à l'étranger. Magnifique. J'adore. Et là, en tout cas, on est sur Fadjet, dans Couleur Locale, les samedis à 13h, les dimanches à midi. Si vous avez raté l'émission, pas de panique, elle sera disponible en podcast sur Spotify for Podcasters. Pierre Mercier de Radio Fadjet, dimanche à 18h, si j'ai le temps de la mettre en ligne. Et vous le savez, elle n'est jamais en ligne le dimanche à 18h, mais ça fait partie du personnage, je le dis à chaque fois, et également sur Fadjet.net pendant une semaine, quelka.fr pour toutes les infos sur l'artiste, Facebook, Instagram, TikTok, il n'y a rien dessus, mais c'est pas grave, elle va faire un effort, peut-être chanson française théâtralisée. Je ne t'ai même pas demandé qui tu affectionnes particulièrement en chanteur ou chanteuse d'ailleurs, et qu'on peut retrouver dans tes inspirations. Ah ouais, alors c'est une question, les inspirations, où j'ai toujours du mal à répondre, parce que j'ai pas l'impression d'être... Enfin, d'être vraiment inspiré par une figure particulière. Oui, voilà, j'écoute plein de choses. Déjà, j'ai des goûts musicaux très éclectiques. Je peux écouter de la chanson, comme je peux écouter de la musique du monde, du jazz. Mais de toute façon, on le voit dans ton projet. Oui, voilà, je pense que ça transpire un peu dans l'éclectisme musical de l'album. Après, j'aime bien à partir de ce que les gens me disent, les spectateurs, les spectatrices me disent que ça leur fait penser d'une certaine manière à des groupes comme Paris Combo. On m'a dit comme Juliette à ses débuts, comme Amélie Les Crayons. Et sinon, moi, dans les artistes chansons, j'aime beaucoup Clarica, Zazie, Jeanne Chéral, et puis tant d'autres. Dans les hommes, j'aime bien Ben Mazoué, Gaël Faye. Enfin bon. Voilà, il y a plein de... Moi, j'écoute plein de trucs, alors c'est une difficile. Une boîte à outils. C'est difficile. Et ce que j'ai pas dit, c'est que l'artiste qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Madonna, même si je ne fais rien. Rien qui ne ressemble à Madonna, de près ou de loin. Ouais. Chanteuse, théâtralisante, communicatrice et écrivaine également, puisque ça écrit bien. Oh, c'est gentil. Ça écrit bien. Non, mais ça écrit bien. Gentil. Rendons à quelqu'un ce qui est à quelqu'un. Justement, puisque je vois que tu manies la plume, j'ai envie de parler de plume. Parlons plus. Je vais te donner deux situations et tu vas me dire laquelle t'inspirerait le plus l'écriture d'une chanson. D'accord. Première situation. Tu rentres d'une tournée. Tu es éreinté. Tu es dans un train. Tu observes par la fenêtre le soleil en train de se coucher. Tes sens sont en émulsion. Tu sens l'odeur du café de la personne derrière toi. Tu entends le cliquetis sur le rail. Peut-être un bébé. Qui est dans une rame plus loin, je ne sais pas. Et tu observes ce soleil couchant et ça t'inspire le changement, le fait que après le soleil vient la lune, puis le soleil. Ça t'appartient. Tu sors un calepin, tu sors ton téléphone, peu importe, et tu notes ces premières bribes de morceaux. Où d'ailleurs. Oui. Tu te réveilles, il est 3 heures du matin. Et pour ceux qui s'intéressent au sens des réveils nocturnes, c'est une heure qui a un sens particulier. En tout cas pour ceux qui se réveillent à cette heure-là. Tu te réveilles, tu es dans ton lit, seul ou accompagné, cela ne nous regarde pas. Et tu es embrumé. Tu es embrumé, mais en même temps, tu es anxieuse. Tu es anxieuse car il y a eu ce rêve qu'il ne faut pas que tu laisses échapper. Dans ce rêve, il y a eu peut-être des notes de musique, peut-être une situation. Ce n'était plus un divan vert, mais un cheval énorme, ou un avion, je ne sais pas. Quelque chose, et tu as le sentiment que tu vas en tirer quelque chose, qui est ce morceau, cette chanson, qui s'appelle à toi via ce rêve. Et comme tu le sais, très souvent les rêves s'évaporent dans les premières minutes lorsqu'on se réveille. Alors tu te redresses doucement, parce que ça peut faire mal, surtout si on dort souvent, bref. Tu te relèves et tu prends ton portable, tu prends un carnet et tu notes ces notes, peut-être un dictaphone, tu chantes peut-être ce que tu as entendu, tu notes. Alors, plutôt train soleil couchant, plutôt réveil nocturne avec message onirique, les deux, aucun des deux. Ah bah les deux, alors les moi deux. J'adore le train en fait. J'adore le train, cette idée du mouvement. En plus, l'écriture souvent, elle vient quand t'es en mouvement. Si t'es au-dessus de ta page blanche, parfois t'es un peu bloqué, bah tu te mets en mouvement et ça vient quand ça, le robinet s'ouvre. Et les rêves, c'est drôle parce qu'effectivement, en ce moment, je me réveille et plutôt que d'écrire, je les enregistre. Comme quoi. J'enregistre, donc c'est drôle. Non, les deux pourraient m'inspirer. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé de me réveiller. Alors la chanson n'est pas sur l'album. Avec le titre d'une chanson qui s'appelait « On ferait comme si » et je l'ai écrite en une demi-heure. Je me suis réveillée avec ce titre-là et en une demi-heure, j'avais le texte. Je pense qu'on peut dire que cette mise en situation a fait mouche. Oui. Ce qui aurait pu être une transition si tu avais un morceau qui s'intitulait « A fait mouche » ou « Mouche ». Ou « La mouche », qui est d'ailleurs un film d'horreur particulièrement flippant, chers ouais. auditeurs. Nous étions avec Kelka sur Fadjet dans Couleur Locale. Merci à toi. Merci Pierre. De rien, on rappelle que tu es sur Facebook, sur Instagram, le site kelka.fr. Ton album « Balaye les nuages » qui est disponible sur toutes les plateformes, qui est disponible en commande sur des sites où on achète des commandes. Et que on aimerait bien te voir jouer en 2024. Ben, je vous préviens dès que j'arrive. Très sympa. Ouais, je vous préviens dès que j'arrive. Et oui, il y a aussi un joli clip sur YouTube sur la chanson « Je médite ». Ah oui, c'est vrai, il faut le rappeler, il y a le joli clip. Tu nous as fait le plaisir de venir à Nancy, ville où tu as fait tes études, une ville de cœur. Et bah, voilà, tu aimes ta ville, tu aimes cette ville. J'aime cette ville, oui. Tu aimes cette ville et tu aimes la chanson de ta ville. Exactement. Mais est-ce que c'est cette ville dont tu parles dans cette chanson? Oh, ça peut être dans toutes les villes. Ça peut être dans toutes les villes, donc oui, ça peut être à Nancy. Je suis très déçu de cette transition, j'ai pas réussi. Je savais ce que je voulais dire, mais j'ai pas réussi à le dire de façon vraiment très très clair, mais c'est pas grave, on fera un reshoot ou pas. Je te propose d'écouter ça. Très bien. Et puis je te souhaite, en tout cas toute la famille Fadjet, te souhaitons une bonne suite et une bonne continuation. Merci la famille Fadjet, merci. Et merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche midi, 94.2 Nancy, da+fadjet.net pour un nouveau Couleur Locale. Pierre au micro, j'aime la chanson de ma ville de quelqu'un issu de l'album Balay Les Nuages. À bientôt chers auditeurs et encore une belle année 2024. Bonne année. J'aime la chanson de ma ville, le ronronnement des voitures, la pétarade des motos, fortissimo. J'aime la chanson de ma ville, les crissements du métro, le son des marteaux piqueurs en mi bémol majeur, le cliquetis des verres dans le pub d'en face, le chant des conversations que j'écoute depuis mon balcon. Il y a quand même un refrain qui me tape sur les nerfs au détour d'une rue. Psst, miaou. Psst, psst, hé hey, mademoiselle. Psst, t'as de belles jambes, tu sais. Psst, hé, hey, tu te retournes quand je te parle. J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons. Me diapasonne. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs, en ternaire ou en binaire, les aboiements des caniches de ma voisine de palier, à 6 heures du matin, quand elle s'en les promener. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue. Ne me touche pas. Psst, vas-y, t'aimes ça. Lâche-moi. Avec ta tenue, tu l'as bien cherchée. J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ces lumières qui vibraphonent. Ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de République à la nation, à l'unisson.